MEV dans vos oreilles. Semaine 21. De novembre 2019 ? Oui, tout à fait. Pardon, j'étais un peu perdue dans les dates. Nous sommes toujours à Hiroshima et on se dirige doucement vers le principal site mémorial. Bah, le mémorial, enfin, c'est un parc mémorial. Oui, non mais du coup, il y a plusieurs petites statues commémoratives sur le chemin. Enfin, je pense un petit peu partout dans la ville. Et rien que là déjà... Il y a une représentation, mais surtout qu'il y a une description et on apprend quand même que au moment de l'explosion, la chaleur était de 4000 degrés Celsius. Et même jusqu'à combien ? 1 km, ça a atteint 1800 degrés Celsius. Autrement dit, il y a eu plein de choses qui ont fondu sur les gens, quoi, en fait, aussi. C'est terrible, quoi. Alors, c'est horrible de dire ça, mais le point, je veux dire positif, je sais pas trop si c'est le mot adapté, mais c'est que je pense que la mort a été instantanée. Ça a été assez rapide, oui. Pour les gens qui sont morts tout de suite, bon, je parle pas des gens qui sont morts dans les mois qui ont suivi, je pense, dans des conditions un peu horribles, mais... Ou ceux qui étaient un petit peu plus loin et qui ont été brûlés aussi, qui ont sûrement plus souffert. Enfin, ça met dans l'ambiance. Hein. Ah bah oui, on va se faire une bonne petite journée bien bien gaie là, je sens que ça va être sympa. Ouais. Ouais, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que j'arrive toujours pas à comprendre ce qui a pu se passer dans la tronche de certains pour se dire « Allez, on va buter 100 000 personnes innocentes. » Parce que voilà. Ça, au final, ça fait 200 000, hein, je crois, au total, avec les conséquences. Ouais, mais est-ce que... Enfin, du moins, en instantané. Enfin, je veux dire, pour juste dire, vous voyez, nous, on est les plus forts, vous allez arrêter, vous allez capituler, quoi. Parce que c'est... Bah, ouais, et puis... Enfin, je comprends pas. J'arrive pas... Et en plus, sans que ce soit puni, tu vois, sans que personne s'excuse, sans que... Juste normal, quoi. On a fait ça parce que c'était la guerre et qu'on a le droit de le faire. Ah ouais, non mais... Voilà, on va continuer. Je sens qu'on aura un bon moral à la fin de la journée. Le point positif, c'est qu'on a un hostel. Enfin, pas un hostel. C'est un hôtel, en fait. Mais... C'est un hostel, en vrai. C'est un hostel. Ça s'appelle hostel, ouais. Et c'est un... Ils appellent un capsule hôtel. Aussi, mais ouais, en fait, je sais pas trop du coup si c'est vraiment un capsule. Eux ils disent que c'est une capsule, mais c'est un dortoir classique. Qui est quand même hyper bien foutu, hyper bien optimisé. On est trop bien. Et l'intérieur est très très beau. Et c'est un artiste japonais, Kenji Yanobe, qui a fait pas mal de fresques dans l'hôtel. Et il y a aussi des statues de lui, avec des chats. En cosmonaute et des souris. Non, c'est très chouette, j'adore le. Le truc est tout neuf, ça vient d'ouvrir, c'est assez stylé. Ouais. Et c'est. Jusque-là, pour les prix du Japon, c'est pas trop cher, quoi. Donc, ça reste un prix à peu près classique. Pour le Japon, ça reste hors de. Enfin, très cher, quand même, pour un dortoir, en vrai, c'est sûr. Au final, ça nous coûte quoi 150 € pour 4 nuits à 2. Ah, comparé à ce qu'on a payé à Bishkek, oui, c'est sûr. Ouais, bon, la différence est... Enfin, comparativement au coût de la vie, finalement, Bishkek, c'était peut-être plus cher. Ouais, c'était assez cher, ce qu'on avait payé. Bref. Eh bien, c'est parti. Bon, du coup, on vous a pas raconté hier soir, après... On est allé manger dans un... C'est tout un immeuble qui est consacré à des omelettes japonaises et... qui ont un nom dont je ne me souviens plus, Okitayori, Okitana, quelque chose comme ça. Et en fait, c'était conseillé dans le routard, je crois, d'aller au troisième étage. Et... Un stand où c'est des femmes qui cuisinent. Ouais. Et c'est vrai que c'était celui qui était le plus appétissant, dans tous les cas, quand on est arrivé. Et on pense qu'il y avait trois générations de femme. Et c'était, mais c'était divin, c'était juste divin. Pour le coup, c'était pas très cher et c'est hyper hyper nourrissant. C'est une espèce de, comme un pancakes fourré avec des légumes et des nouilles, en gros. Il y a un mec qui fait du paddle sur la rivière. Pourquoi pas? Mais oui. C'était très très bon, super bien mangé. On avait passé devant, on a croisé plein de restos, de bars, de machins qui ont l'air trop chouettes. C'est là, une ouais. ville hyper dynamique avec plein d'endroits cool. Ouais, et puis en même temps, c'est toujours pareil quoi, dimension humaine. Donc c'est sûr que je pense que Tokyo nous fera peut-être un choc, mais pour l'instant c'est agréable d'avoir ces grandes villes modernes, mais en même temps, je sais pas, beaucoup. Hiroshima est on ne peut plus moderne comparé à Kyoto, quoi. Bah, vu que la moitié de la ville a disparu intégralement, ouais. Oui. Et ils font beaucoup de... On a raconté que d'ailleurs, à la base, c'était Kyoto qui aurait dû être bombardé. Ah non, je savais pas. Mais si, tu sais. Ah oui. C'est Kyoto qui aurait dû être bombardé, sauf que le général qui... Enfin, je sais pas exactement quel grade il avait dans l'armée américaine, mais en gros, avait passé sa lune de miel à Kyoto quelques mois auparavant, ou quelques années auparavant, avait adoré cette ville et du coup leur a demandé de ne pas bombarder Kyoto. Sinon, c'était Kyoto qui devait bombarder. C'est fou à quoi ça peut tenir, donc c'est-à-dire que... C'est complètement subjectif. C'est tellement inimaginable dans la tête d'un citoyen de 21e siècle. Non, mais tu vois, avec tout le recul qu'on a, mais je pense quand même qu'il y a 70 ans, ça restait inimaginable pour beaucoup de gens, je pense. Bah oui, c'est ça, quoi. En fait, et dans les... Souvent, tout ce qui est prière, tout ce qui est... commémoration, enfin ils adorent faire des choses avec du papier, donc tout ce qui est origami, et ça a priori il y en a beaucoup, c'est des sortes de petites guirlandes de papier colorées. C'est des guirlandes d'origami attachées, hein, tu vois, ou pas de problème. Ah, ils sont attachés, c'est ouais, ça pense. D'accord. Non, ouais, oui, si, petits... t'as raison. Je sais pas, petits ouais, oiseaux c'est... en origami, quoi, qui sont attachés avec du fil. Ça, on dirait, ça fait un peu comme des dragons. Mmh. Hyper coloré, c'est très joli. Là, on est devant le Genbaku Dome, le symbole de la aujourd'hui d'Hiroshima et de ce qui s'est passé. Parce que ça a pas mal tenu le coup, notamment parce que la bombe a explosé 600 mètres quasiment au-dessus. Et donc il n'y a pas eu de grosses déflagrations comparées à autour. Et c'était un beau bâtiment, hein, un peu dans le style Europe de l'Est, parce que c'est un architecte tchèque qui l'avait construit. Et ça servait d'exposition d'art, mais aussi c'était un bâtiment de commerce. Et ils sont beaucoup longtemps demandé, hein, s'ils allaient le laisser ou pas, et bah, finalement ils l'ont laissé. Et on voit sur les photos que tout autour c'est rasé. Ah bah intégralement quoi, t'as l'impression qu'il y a un bulldozer quoi qui est passé pour raser tout quoi. Comme un coup de balai quoi. Ouais. Et bah, c'était stratégique parce que forcément toutes les habitations étaient en bois et en papier de riz. Ce qui fait que, ça brûle bien. Bah, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'une bombe atomique pour faire brûler tout ça, mais bon. On voulait vraiment... Non, la preuve, puisque le château de Okayama, c'est ça a brûlé il y a deux jours. Non. Non, c'est pas Okayama. Ouais, il y a un château là qui est... Classé au patrimoine de l'UNESCO qui a brûlé parce qu'il est tout en bois et que du coup bah, ça reste quand même un matériau très fragile. Mmh. Ça, ils ont l'habitude hein, que ça brûle leur bâtiment après pas autant d'un coup. Mais comme ils sont assez résilients, ils reconstruisent en général. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment ce qu'on a vu dans tous les temples qu'on brûlait, les châteaux et tout. Bah, ils reconstruisent à l'identique, hein. Je pense que ça doit être assez rapide à reconstruire. On a vu une maison en train d'être construite à Nara. Ouais. En 3 jours, ça allait hyper vite. Et en fait, c'est oui, un système d'assemblage. Avec des poutres en bois, et puis après, bon, bah, des parois en bois et des paquets de riz. Et puis ça reste des matériaux quand même finalement plus durables pour l'environnement et tout ça. Plutôt que, même si tu veux le détruire ou quoi, bah, tu récupères le bois. Plutôt que d'avoir à détruire du béton, c'est pas si bête. Hein. Est-ce qu'on avait quelque chose à ajouter sur... Non, mais juste, tu te posais la question de savoir. Tu disais, ah tiens, ça a explosé à 600 mètres d'altitude. Oui. Mais c'est fait exprès en fait. J'imagine que c'est fait exprès, oui. C'est une hauteur calculée pour provoquer le plus de dégâts possible. Ah d'accord, c'est vraiment pour y aller jusqu'au bout quoi. Donc, ils se sont dit que ce serait pas assez quoi. Ça tombe. Je pense que c'est des trucs qu'on a appris à l'école, mais juste je vous fais un petit rappel quand même. Donc la population est d'abord aveuglée par une lumière éblouissante avant de subir l'onde de choc qui se propage à 1600 km/h. Quelques secondes après, le grondement de la déflagration arrache tout. Une minute plus tard, une colonne s'élève vers le ciel, s'ouvre et forme un nuage en forme de champignon couleur feu. Il est composé de gaz brûlant et de particules radioactives. Il prend de plus en plus d'ampleur pour atteindre 17 000 mètres d'altitude, 800 mètres de diamètre et recouvrir la ville tout entière. 10 km carrés sont atomisés. Selon les Américains, 80 000 personnes meurent en 5 secondes. Je suis même pas sûr que Thanos il fasse aussi bien. Ah bah c'est bien. De l'efficacité mon gars. Si tu veux détruire des gens, allez-y hein. Finaise. Non mais en fait ce qui est terrifiant c'est de se dire que là, c'était en 45, mais qu'aujourd'hui ils ont fait nettement des progrès. Et c'est ça qui est flippant. Je préfère pas savoir ce qui se passerait si ça arrivait. Hein. Je préfère être morte. Bah de toute façon, en 5 secondes, c'est fini. Donc, oui, mais même si je suis pas proche de l'épicentre, et même si ma vie n'est pas en danger, si je devais vivre ça, enfin voir ça de mon vivant, déjà que j'ai pas une énorme grande foi en l'humanité, mais alors là, autant te dire que... Ils disent quand même, les incendies se propagent rapidement à cause de l'architecture en bois et papier de riz. Sur 1,5 km autour de l'épicentre, la température est 5 fois plus élevée qu'à la surface du soleil. Soudain, une pluie noire se met à tomber, éteignant le feu par endroits, mais cet apparent bienfait se révèle issu du nuage atomique. Il contamine le fleuve, les rivières, les puits, les gens qui s'y soulagent et s'y abreuvent. Et donc il y avait eu un typhon juste après, en septembre. Ah oui, en fait, donc il y a eu 80 000 morts en 5 secondes. En fin 45, ils estiment qu'il y a 140 000 morts à peu près. Donc je sais pas si c'est 140 000 en plus des 80 000 ou... pas, mais qui est lié du coup aux effets de la bombe après. Et le 17 septembre 45, il y a des inondations et un typhon, ce qui fait que en fait ça a emporté beaucoup de déchets radioactifs dans la mer et ce qui a permis une espèce d'évacuation, ça a baissé le niveau global de radiation. Je sais pas s'il y a toujours des radiations de l'époque. Ou est-ce que... On se posait la question de savoir combien de temps il a fallu pour que le taux de radiation soit suffisamment bas pour que du coup la vie puisse reprendre, quoi, on va dire. Je pense qu'on en apprendra peut-être plus au musée. Ouais. Je pense que les dirigeants japonais soient... condamné pour en effet excès de zèle et pas avoir défendu leur population, ça c'est une chose, tu vois, mais à la limite c'est un truc interne à leur pays quoi. Oui, là c'est des condamnations internationales. Oui, oui. Qu'en revanche aucun américain tu vois soit condamné pour avoir appuyé sur son bouton tu vois et décider, enfin je trouve ça ouf quoi. Surtout qu'aujourd'hui c'est considéré comme un crime contre l'humanité par la Cour internationale de l'AE depuis 92 ou 96, je sais pas quoi. Donc c'est juste que c'est dirigé par les américains quoi. Oui, c'est ça. Et oui, alors on vient de rencontrer un monsieur qui s'appelle Kosei Mito et qui, en fait, il est avec son petit vélo et il propose une sorte de d'histoire de du contexte et surtout lui il était dans le ventre de sa mère au moment où la bombe a explosé et sa mère est toujours vivante. Ouais. Elle a 101 ans. Ça, c'est incroyable. Alors elle était pas elle était à 7 km hein. Ouais oui. Mais il n'empêche que elle a eu un cancer de la vessie. Il nous a donné son blog de toute façon, enfin, je pense que c'est assez intéressant, mais il, y a aussi, il nous a montré un texte avec tout le contexte qu'il y avait autour de la bombe et tout ça. Et c'était intéressant. Donc on vous donnera le nom du blog. Il y a deux... Ah oui, c'est A-Bomb In Utero Survivor Speaks. Ça c'est en anglais ? Non, non, c'est en anglais, français et espagnol. Ah, okay. Non, parce que le blog dont tu parlais, c'est pas la même chose. Il y a une, universitaire de Toulouse. Toulousaine. Qui a fait aussi un blog à ce sujet. Et il y a aussi sur YouTube, That Day, A Survivor's Story. C'est son film. Voilà. Donc on va aller voir ça. Ça doit être hyper intéressant. Le gars, je pense qu'il doit être là tous les jours. Ouais, il gagne pas d'argent dessus, quoi, en plus. Quoi, c'est... Ah non, non, c'était complètement de l'information gratuite. Bon, eh bien, nous sortons du mémorial. C'est marqué, là. Voilà. Mémorial de la paix d'Hiroshima. Ah bah, ça se coule, hein. Ça calme, ouais, surtout. Ouais, j'étais déjà calme, mais... Il y a des témoignages de parents qui ont eu leurs enfants... qui sont morts dans leurs bras... Donc, il y avait une exposition qui s'appelle sur les lanternes flottantes. Et c'est aussi un documentaire qui est assez bien fait sur la scénographie. C'est intéressante. Mais ouais, ça, c'est difficile à décrire. Bon, c'est juste que c'est atroce, quoi, en fait. C'est des choses même qui sont toujours autant inimaginables. En plus, l'atrocité dans laquelle les gens sont morts. Voilà. Et c'est vrai que le témoignage de la mère, qui donc c'était une interview de. Je sais pas, aux années 80, tout comme ça. Ouais, sûrement. Mais tu sens que du coup, elle en veut au Japon. Pour elle, c'est la faute du Japon si c'est arrivé, quoi. Si, ils n'ont pas réussi à sortir de la guerre autrement que par cet événement, en fait. Ouais. C'est assez incroyable de... À aucun moment... Mais je sais pas si... Enfin, parce que bon, comme ils ont été quand même après occupés pendant 7 ans par les Américains... Est-ce qu'ils n'ont pas une interdiction, ils ont, tu vois, une interdiction de dire que c'était la faute aux Américains, quoi. Ouais, sûrement, mais les Américains sont partis quand même bien avant le fait que ce soit filmé, cette interview. Je suis d'accord, non mais... C'est fou, que tu dises que c'est la faute des deux, ok, à la limite, je peux comprendre, tu vois, que tu te dises... Parce que c'est ce qu'on se disait, c'est que, ok, très bien, c'est le Japon qui a été chercher un peu la merde dans cette histoire, enfin, au début de la guerre. Bon, c'est eux qui ont attaqué voilà. Les États-Unis. Donc, ça veut pas être... Enfin, ils sont pas tout blancs, hein, comme neige, mais de là à ce que la réponse soit une bombe, enfin, deux bombes nucléaires, en termes de proportion, on est quand même pas sur la même chose, sachant qu'en plus, le Japon a attaqué les États-Unis, mais... quasiment pas sur leur territoire, à part par Harbor. Oui, c'est surtout enfin, ils ont attaqué... pas des civils, quoi, du coup. Ils ont attaqué, voilà, des militaires, donc... Donc on est quand même pas du tout sur les mêmes... le même contexte, les mêmes proportions, enfin, le même nombre de victimes, enfin, c'est quand même assez fou, et... Oui, je pense qu'en effet, il y a eu un espèce de brainwashing, quand même, peut-être pas mal, de la part des Américains. Après, de là à dire qu'ils n'en veulent pas du tout aux Américains, je suis pas sûre, parce que dans le petit bouquin là, qu'on lisait justement du monsieur avec son vélo, il disait que est-ce que les Japonais détestent les Américains pour ça, en tout cas, oui, c'est oui. Difficile à dire qu'il y en a sûrement qui le font. Non, mais enfin, ce voilà. Que je veux dire, est-ce que publiquement ils le font voilà. Pas mais... Est-ce qu'il y a, tu vois, il n'y a pas eu des pressions pour que publiquement il n'y ait pas de cette rancœur qui soit exprimée, quoi. Moi, c'est ça qui me trouble un peu, quoi. Oui, on demande pas à ce qu'ils bâchent les Américains non plus. Enfin, c'est pas ça, mais c'est juste que qu'il n'y ait en effet aucune allusion au fait que les Américains soient responsables de ça, et en revanche plusieurs allusions au fait que c'est la faute du Japon. C'est ça qui est assez perturbant, quoi. Enfin, sans pour autant dire les Américains sont des méchants. Enfin, tu vois, c'est pas ça qu'on s'attend à voir non plus, mais... Ah non, c'est vrai. Non, et puis il y a une chose, c'est que j'ai pas encore le contexte et l'histoire qu'il y a, pourquoi ils ont pas capitulé après la première bombe, quoi. Je pense que ça peut s'expliquer. C'était assez court quand même en termes de délai, hein. On n'est pas non plus sur. Je pense que dès le lendemain, tu dis ok, c'est bon. Et non, parce que c'est ça qui m'intrigue. C'est-à-dire que il a fallu attendre deux bombes. Nucléaire, quoi, pour que ça. Pour qu'ils capitulent. Est-ce qu'ils avaient conscience trois jours après de ce qui s'était vraiment passé? Parce que là, tu vois dans les témoignages que pendant deux jours, tu vois, les familles cherchent les victimes, comprennent pas très bien. Enfin, tu vois, je pense que personne ne sait que c'est radioactif. Pas personne, si, sûrement des gens, mais en tout cas, à l'échelle de la population, non. Tu vois, en trois jours, c'est que trois jours hein, d'écart. Je pense que t'as conscience du dégât. Enfin, en tout cas, tu sais ce qui s'est passé, quand même. Je sais pas si t'arrives à comptabiliser, si tu vois, à te rendre compte. Je sais pas. Je peux pas dire oui ou non, mais peut-être il y a sûrement des documents, des documentaires qui peuvent pour nous éclaircir à ce sujet. Nous éclaircir ? Nous éclairer. Voilà, c'est mieux. Ok. Eh ben, ça m'a mis en appétit tout ça. Si on allait manger une petite omelette. J'hésitais à décrire un peu ce que la dame décrivait, parce que je pense que c'est quand même assez atroce, quoi. Mais je pense, enfin, il n'y a pas besoin. Ouais, non, c'est pas la peine. Non, c'est... Déjà, on voit pas d'image, on voit que des dessins, et déjà, c'est ignoble. Bah, de toute façon, ce que ça te renvoie. Pas avoir d'image, hein, à mon avis. Mais... pourquoi pas? Bah, sur le moment de ce qui se passe, non, je pense pas. Pas de ce qui se passe, mais là, on parle de trucs, c'était dans les 2-3 jours, hein, enfin, tu vois. Ouais, mais à mon avis, si t'avais un appareil photo. Enfin, tu vois, il était réduit en. Oui, sûrement. Du moins, les pellicules avaient dû brûler, quoi. Ok, bien. Alors. On va se regarder un petit dessin animé ce soir. On va peut-être pas se faire le musée là d'un coup. On va peut-être scinder. On a dit on le ferait lundi. Ouais, parce que on est. Ah ça. Voilà. Oui, ça chamboule un peu. Quoi. Et en plus, ce qui est assez fou du coup, c'est que tu te rends compte là l'exposition permanente, temporaire, pardon. C'est à propos d'une. Des 605, quasiment 650 victimes, ou un peu plus de 650 victimes d'une école. Et c'est des tout petits, quoi. Enfin, donc, il y avait des professeurs et tout ça, mais globalement, il y a des témoignages sur des gamines qui ont 12 ans, mais d'autres beaucoup moins. aussi des toutes petites choses qui étaient mobilisées. Parce que, en fait, c'est une école. Où ils n'allaient plus trop à l'école d'ailleurs pour apprendre, mais c'était plutôt pour faire du travail d'intérêt général, déblayer des bâtiments, je sais pas, faire de la couture, d'uniformes, des trucs. Enfin, j'ai pas tout très bien compris, il faudrait qu'on se renseigne un peu plus, mais sur comment fonctionnait la. Enfin, pendant la guerre, comment ça se passait au Japon, quoi. Oui. Bah, ils avaient clairement dit d'arrêter d'aller à l'école parce que ça devenait dangereux et que du coup, bah, ils étaient réquisitionnés pour. Voilà, faire des. Mais j'ai l'impression qu'il y avait une partie de la population qui avait été évacuée, parce que là, il y a une gamine qui écrit une lettre à sa petite sœur qui est évacuée, et les autres qui, du coup, sont mobilisés. Mmh. Donc, bon, je ne sais pas comment ça fonctionne. Bah, mais c'était des enfants, quoi. Enfin, t'es mobilisé, ils avaient 8 ans, 10 ans, 12 ans, enfin, c'est fou, quoi. Ouais. Bon, ça, c'est pas de la faute des Américains, en l'occurrence, c'est les Japonais qui font la guerre, hein, mais. Mais c'est juste comment tu peux mobiliser des toutes petites choses comme ça. Mais ce qui était assez beau à la fin de l'interview de cette mère, c'est qu'elle dit que bah, finalement, après ça, y a, c'est la paix, quoi. Ça a été la paix au Japon depuis, quoi. Et que finalement, elle est. Elle dit finalement, s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que. Peut-être qu'aussi bien ça aurait été pire, il y aurait eu plus de. Tu vois, alors qu'elle a perdu tous ses enfants. Non, hein, mais c'est ça. Je trouve ça fou, cette. Philosophie. C'est difficile de savoir ce qui va se passer dans l'avenir et tout ça, machin, mais de ce qu'on voit là quand tu visites ce genre d'endroit, c'est que t'as l'impression quand même que globalement, il y a. Aucune chance que ce soit la guerre au Japon. Enfin, ils ont été quand même bien, bien traumatisés. Enfin, ça se ressent vachement, je trouve. Mais même dans leur comportement, d'ailleurs, très pacifistes, tu vois. Dans tout, ce qu'on a déjà dit, c'est qu'il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Enfin, tu vois, c'est toujours très calme. Je pense que ça fait partie de leur culture. Je ne sais pas si c'est depuis avant. Bon, bref, ça fait partie de la culture que c'est une population, j'ai l'impression, très zen. Alors qu'en Europe, on n'est quand même pas très très loin parfois de se dire que là une troisième guerre mondiale pourrait arriver. Enfin, tu vois. Qui des fois ne tient à pas grand chose. Enfin, voilà. Alors que pourtant on a vécu des trucs horribles, tu vois. Enfin, c'est pas. Enfin, pas nous personnellement en tant que petits gens de 30 ans, mais. Non, non, mais il n'y a pas si longtemps. Et puis même, tu parles de l'Europe, il n'y a pas si longtemps, il y a 20 ans, il se passait des trucs horribles presque à notre frontière, quoi. Donc, c'est quand même assez dingue de se dire que, en effet, j'ai l'impression qu'ils ont une espèce de. Ils ont vraiment tiré des leçons et ils ont une résilience assez dingue de ce qui s'est passé, donc même si ça a été horrible pour eux. Alors que nous, pas trop, hein, j'ai l'impression, quand même, globalement. On a beau dire il faut toujours parler de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, tout ça, à l'école, parce que c'est un devoir de mémoire pour pas que ça recommence. Mais on sent quand même qu'on n'est pas très très loin du recommencement, hein. Ouais, on aime bien fabriquer et vendre des armes. Alors qu'ils ont. Ils ont un traité. Ils ont des principes de paix au Japon de non-production, non-achat. Enfin, je sais plus ce qu'il y a, trois trucs différents là, en gros, pas d'armes nucléaires, ça c'est sûr. Ouais. Mais pas d'armes de guerre non plus, je crois. Ils ont une armée quand même. Il faudrait qu'on regarde, mais déjà c'était marqué là, il y avait un petit truc sur l'arme, les armes de façon générale, quoi, enfin, les armes de guerre. Mmh. Et je sais pas trop quelle est la proportion d'armée, du coup. Enfin, tu vois comment ça marche chez eux. Alors en fait, l'armée japonaise s'appelle les forces japonaises d'autodéfense. Ce qui veut dire qu'ils ont une armée, mais qui ne participera jamais à une offensive. Donc c'est juste là pour se défendre en cas d'attaque. Mais aussi pour aider la population en cas de catastrophe naturelle ou non naturelle. Voilà. Yeah. on est devant le monument des enfants de la paix. Et il semblerait que ce soit une classe qui ait fait une sorte de... guerre d'origami. Tout ça, c'est des gens qui ont apporté des origamis sous toutes formes différentes. Il y a plein d'hommages dans des petites cabines où c'est rempli de ces guirlandes ou d'autres créations. Sous le monument, il y a sûrement une petite prière inscrite et une petite cloche comme devant les temples et les sanctuaires shinto. Une cloche avec une forme d'origami. Parce qu'au-dessus de la petite statue, il y a une petite fille qui a vraiment existé et qui avait 2 ans quand la bombe a explosé, qui a survécu mais qui est décédée à l'âge de 12 ans d'une leucémie. C'était un peu généralisé apparemment, il y avait pas mal de trucs différents, quoi. Il n'y avait pas qu'une leucémie. Et elle avait. J'ai pas très bien compris, mais si c'est un conte ou une espèce de superstition, enfin en gros que si tu fais 1000 origami, tes vœux s'exaucent. Du coup, elle avait fabriqué des petits origami pour guérir. En fait, on sort du musée de Hiroshima. Ça se coupe pas mal, hein. Une fois. Ouais, c'est un peu difficile de parler, d'en parler, quoi. Il y avait énormément de monde, donc je sais pas trop si c'est genre habituel ou si c'est juste parce qu'on est sur un jour férié de la culture. Ce qui est très bien, qu'il y ait beaucoup de monde, hein. Ça veut dire que ça intéresse gens, hein, et que ça sensibilise, donc... Pour une fois, je me plaindrais pas trop que ce soit beaucoup de monde, même si c'était pas toujours facile de déambuler. Ouais. Mais oui, ça, c'est compliqué. Nous sommes le 5 novembre 2019 et on est en direction de Miyajima, une petite île dans la baie d'Hiroshima. Novembre 2019. À Miyajima, c'est assez réputé pour une porte Tori qui est dans la mer, en fait, qui est en face d'un sanctuaire Shinto. Donc, qui est l'entrée du sanctuaire par la mer, puisqu'en plus, là, on voit que c'est le sanctuaire est sur pilotis et la mer va jusqu'au. Est complètement dessous lui, quoi. On est à marée basse, mais l'eau va bientôt. Enfin, en train de monter, on va voir. On la voit monter. Et cette jolie porte Tori est couverte d'échafaudages. Depuis juin 2019. Voilà. Donc, on la verra pas. On verra des photos. Oui. Alors, c'est pas très grave, parce qu'à la base, on s'est dit qu'on n'irait pas à Miyajima juste pour la porte. Bah oui. Parce que c'était très touristique et tout ça. On est venu tout compte fait pour. Pardon. On est venu tout compter pour d'autres raisons qui sont la nature, le mont Misen, etc. Enfin, tout un tas d'autres choses qui ont l'air assez chouettes. Mais bon, quand même, il s'avère que... Oui, voilà, bah, c'est toujours pareil. Hein. Venez, partez en vacances avec nous. Vous êtes sûr que les trucs vont être fermés ou genre en restauration, tout ça. Il est 6h30 du matin. Attends, on va fuir les gens. Parce qu'il n'y a pas grand monde de lever, mais quand même des gens. À 6h30 du matin. On est arrivé pour l'ouverture du temple. s'est levé en se disant qu'on allait voir le lever du soleil. On le voit d'ailleurs. Qu'on voit d'ailleurs, c'est très joli. Mais on n'est pas seul au monde, il y a toujours des gens comme nous qui sont aventuriers. Alors hier, pour venir, on a pris un bateau pendant que la traversée a duré 10 minutes. Il y a possibilité de prendre le bateau depuis Hiroshima, mais je pense que ça doit être assez long, à mon avis. Ouais, je crois que c'est une petite heure. Hein, une petite heure, ouais, je pense. Et en fait, on pouvait prendre le train, c'est un tramway, en fait, c'est un tramway qui va jusque très loin, quasiment en face de l'île, donc est vraiment au point le plus proche. Après, on a pris un petit bateau, donc comme ça, on a pas trop pollué. Voilà. Et là, bah, y a le lever du soleil sur les montagnes en face. C'est joli. Ça va être joli avec la porte. Mais le sanctuaire est bien entretenu et c'est joli. Il est grand en fait. Hein. Toujours cette très petite grand. Couleur rouge, vert, enfin, ils disent vermillon. Je sais pas si c'est vermillon, mais rouge-orange quoi. Ouais. Mais on va. Peut-être on reviendra juste dans la journée voir de l'extérieur. Commencer avec la mer qui est montée parce que. Bon, là il y a. On est passé à côté hier, mais on n'a pas trop fait attention. Bon, on cherchait notre. Notre hôtel. Notre guest house. Qui, sur du temps passant, est quand même assez chouette. On est vraiment dans l'ambiance maison traditionnelle. Oui, c'est une chambre traditionnelle avec des tatamis, des futons, une petite terrasse, enfin, une terrasse fermée, mais du coup, c'est très agréable. Qui donne sur les montagnes, tu vois l'eau et tout. Et le petit jardin aussi qui est très joli. Et du coup, bah oui, on dort par terre quoi, comme. Bah, il n'y a pas de lit, et ça c'est trop bien en fait, parce que tu gagnes de la place. Bah, tu, et en vrai, c'est vachement confortable, parce que nous on aime bien dormir sur des trucs un peu durs, donc le tatami c'est assez dur. Ouais. Et c'est bien plus confortable, je trouve. On a sauvé un daim. Parce qu'on vous a pas dit, mais même si on adore le Japon et que tout est tellement trop cool et tout ça, ils ont quand même un petit problème avec le plastique et les masques, quand même, hein, pour et l'hygiène, ça on l'a dit. Et donc, du coup, ils ont souvent des masques. Je pense, alors, quand ils sont malades, pour éviter de contaminer les autres, mais aussi, peur de choper des microbes ou la pollution, tout ça, même si ça. Ça t'empêche pas de respirer l'air pollué, hein, en vrai. Bah, surtout ce genre de masque, mais il faut que ce soit filtré avec du charbon, des trucs comme ça. On parle de masque en papier avec un élastique pour le tenir aux oreilles. Et il y avait un petit daim qui était en train de mâchouiller ça. Enfin, il s'était coincé l'élastique dans les dents. Il mâchouillait, ouais. Pense que... Et donc, heureusement, il y a quelqu'un qui a... Qu'elle leur a lancé des. Il était avec, je pense, sa maman, il leur a lancé des petits biscuits. Et du coup, au bout d'un moment, il l'a lâché, donc on a récupéré le masque pour le jeter dans la poubelle. Mais ouais, du coup. C'est tout un truc avec un élastique comme ça. Alors, au-delà du fait que c'est une matière qui est pas très bonne pour leur estomac et tout. Mais en plus de ça, l'élastique, ça peut le tuer, quoi. C'est tout fait quoi. Ouais, puis même si ça s'enroule après sur son intestin, son estomac. Mais c'est comme ça que mon chat il avait failli mourir. Hein. Oui. Manger un élastique de sapin de Noël. Mais du coup, il y a pas de. En fait, c'est un peu frustrant parce qu'il n'y a pas de poubelle au Japon. Enfin, il y en a très peu quoi. Donc quand t'as un truc à jeter, et ben, tu peux attendre longtemps. Donc là, j'ai ce masque dégueulasse. Mâchouillé par un petit daim. Nous sommes le 7 novembre 2019. Nous sommes au mont Misen. Oui. tout en haut de l'île de Miyajima. On est monté en télécabine, parce que normalement, il y a sûrement une jolie rando à faire, d'environ 3 heures. Et les feignants. Non, c'est pas ça, parce que j'ai mal à ma jambe. On n'a pas raconté, du coup, non. Ce qui s'est passé. Donc, ça faisait 10 jours que j'avais mal à ma jambe. Et samedi dernier, ça faisait très très mal. Et du coup, c'était un peu bleu aussi. Donc, le soir, je me suis dit, bon, bah, quand même, au bout d'un moment... Parce que toi, ça faisait un moment que tu me disais tu devrais consulter, machin. Moi, je disais, bon, ça va passer. Mais ça passait pas. Et... Ouais, surtout que t'as un peu des problèmes veineux, donc tu vois, on sait jamais. Enfin, t'avais pas une très bonne circulation, disons. Ah oui, oui, bah, j'ai des problèmes d'insuffisance veineuse. Et surtout qu'on a beaucoup pris le train, tout ça. Donc, je me suis dit, oulala... un peu panique hypochondriaque. j'espère que je suis pas en train de faire une petite thrombose, tu vois. Alors que c'était pas exactement les symptômes, mais... Mais t'as eu peur, mais c'est pas grave. Ça peut être plus insidieux, quoi. Ça peut arriver, ça vaut mieux aller vérifier et se rendre compte que c'est pas ça. Je me suis dit, tu vois, plutôt que d'avoir affaire à une potentielle embolie pulmonaire après. Comme c'était dimanche, bien sûr, il y a rien qui est ouvert. Donc le seul moyen, c'était d'aller au service d'urgence, quoi, pour voir un peu s'ils pouvaient. Non. Même si ça avait été ouvert, je pense que c'est le plus logique, parce que c'est ce genre de médecin qui nous conseillait qu'il parlait anglais, quoi. Enfin, il n'y avait pas de médecin genre... Oui, parce que j'ai cherché... Individuel. Où est-ce qu'il y avait des médecins qui pouvaient parler anglais? Alors on est allé au début à la Croix-Rouge. Où il ne parlait pas tellement bien. Je dis, bon, la Croix-Rouge... Non, en fait, il n'y avait pas de médecin vraiment. Et puis, eux, ils étaient surtout spécialisés en neurochirurgie. Et surtout ce dimanche-là, c'était genre le shift là. La garde. Ouais, ouais, la garde de. Donc, ils nous ont orientés vers l'hôpital de la ville, quoi, l'hôpital municipal qui est. Juste quand même, on précise, ils ont été adorables, quoi. Enfin, vraiment, on est resté aux urgences, alors qui ne ressemblaient pas du tout à des urgences, c'était hyper calme, hyper. Voilà, quoi. On y restait, je pense, un moment pour que les dames de l'accueil, elles trouvent quelqu'un qui parle anglais, donc elles ont trouvé une infirmière qui parlait anglais, qui est venue nous parler. Ensuite, du coup, elles ont essayé de trouver un hôpital qui pouvait nous prendre pour ce genre de pathologie qui était ouvert et tout ça, tout ça. Et elles ont pris vraiment le temps de s'en occuper. Et nous se sont excusées 20 fois de ne pas pouvoir faire quelque chose pour nous. Enfin, c'était vraiment genre hyper gentil, toujours hyper serviable, quoi. Donc, bon, bref, on a fini par aller à l'hôpital public. Et là, pareil, c'est adorable, il parlait très bien anglais. Ouais, il parlait anglais, il y avait un questionnaire anglais, c'est très facile. Et ce qui est ouf, faudrait que je retrouve le site, qui est le site officiel d'Hiroshima, où il y a les médecins qui parlent anglais, il faut leur dire de mettre cet hôpital, parce que... Oui, parce que même la dame de l'accueil parle anglais, alors que ce n'était pas le cas à l'hôpital de la Croix-Rouge. Et puis le médecin, il parlait peut-être pas tous anglais, elle t'a orienté peut-être un qui parlait plus anglais que les autres, mais en tout cas... T'as réussi à communiquer facilement. Ah oui, oui. Et ils ont été tous hyper adorables, hyper patients. Et voilà, bon, au final, d'après le médecin, ce qui est plus probable, c'est que ce soit un problème musculaire. Donc, j'ai dû me faire mal sans m'en rendre compte, mais surtout qu'on n'a pas fait de trucs violents, quoi. Donc, c'est ça qui m'étonne un peu. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est chiant, c'est que je ne peux pas marcher longtemps, quoi. Sinon, il faut que je le repose. Donc, du coup... On est sur le mont, mais on a fait les feignasses et on a pris la télécabine. Mais c'était joli parce qu'on voyait toute la forêt vue du dessus avec les érables rouges parmi les... Même si tu avais eu ta jambe de dispo, enfin d'attaque, apparemment c'est quand même très... Enfin, c'est une randonnée de sportif, quoi. C'est pas une randonnée... Oui, mais ce serait pas pareil, on l'aurait... Enfin, tu vois, on sait faire. Mais je sais pas. Quand ils disent que c'est sportif... On a fait les Seven Lakes... Ça va. C'est peut-être difficile, mais je veux dire, ça reste faisable pour nous. Voilà. Là, en l'occurrence, non. Donc, on est allé tout en haut. Parce que quand même, il faut marcher un petit peu. Hein, oui, même après l'arrivée à la station du téléphérique, il faut quand même marcher 30 minutes avec une bonne montée, quoi. C'est assez abrupt. Et puis, y a un joli 360 degrés sur la baie d'Hiroshima. On voit l'île de Shikoku. Et d'autres petites îles un peu. Plein de petites îles. C'est très joli. Plein de parcs à huîtres. Parce que bon, forcément, les huîtres ici, on a goûté une huître. Alors moi, j'ai pas aimé. Elles sont cuites, elles sont pas crues. Bah, tu peux les manger crues, mais leur spécialité, c'est plutôt cuite, j'ai l'impression. Ce qui, du coup, me dégoûte un peu moins, personnellement. Donc, on s'est dit qu'on allait quand même goûter. C'était un peu dommage d'être là, alors que c'est la spécialité de l'endroit, et de pas goûter. Donc, on en a pris juste deux, chacun, ça va. Mais si vous aimez les huîtres, elles sont énormes, quoi. Elles sont vraiment très, très grosses, ouais. Bah, c'est en gros, quand elles sont cuites, là, enfin, celles qu'on a mangées, en tout cas, c'était avec un petit gratin au miso, c'était quand même très très bon, moi, je trouve. C'était, je sais pas, peut-être 5 fois une moule. Peut-être plus que ça, même, entre 5 et 10 fois une moule, quoi, en termes de taille. Mais pour moi, c'est un peu la même texture, c'est un peu la même chose, quoi. Ouais, moi, ça a trop, trop le goût de la mer. Même avec le petit gratin. Ouais. C'est comme ça. Bon, bah, on a mangé encore des okonomiyaki, des omelettes spécialité d'Hiroshima et de ses alentours. C'est pas mal, hein. Ouais, ouais, on aime bien. Hein. C'est bon, ouais. Très, très bon. Ouais. Non, mais c'est chouette. Enfin, au final... Et en plus, ici, il n'y a pas de... Je n'ai pas vu de restaurant de sushi quasiment. Hein. Enfin... Mais il n'y en a quasiment pas, hein, au final, ouais, quand tu te rends compte, quand on te balade et qu'on cherche un restaurant, même quand on cherche un truc de sushi, genre juste pour manger rapidement et tout, bah, c'est pas si facile à trouver que ça. Ouais. Alors peut-être qu'à Tokyo, il y en a beaucoup plus, parce que c'est plus des trucs où les gens vont rapidement manger, emporter, ou des trucs comme ça. Mais là, pour l'instant, les villes qu'on a faites, on n'en a pas tellement vu. Bah, mon plus grand bonheur. Hein. Bah, c'était quand même pas mauvais la dernière fois quand non, on a pris ceux qui étaient. C'est pas, ce que je... enfin, c'est pas du tout ce que je préfère dans la bouffe japonaise. Non, moi non plus, mais je trouve ça pratique quand t'as un petit creux, ça cale bien. Si on les mange, nous on les mange végétarien. Enfin, j'ai décidé que je les mangerais plus que végétarien parce qu'en fait c'est ça qui m'intéressait, le riz. C'est le riz. Bah, sinon tu prends des petites les boules de riz là. Les... Bah, des onigiri, mais onigiri. Le problème des onigiri c'est que c'est très très emballé quoi. Alors on en a pris la dernière fois. Oui, alors on a réussi à Kyoto parce qu'il y avait un petit stand qui en donc c'est faisable. Enfin, je veux dire, c'est. Mais on en a jamais revu de petit stand d'onigiri. Ouais, mais c'est ça, il faut que ce soit dans une petite rue avec des restaurants de fast-food. Fast-food japonais, je veux dire. C'était pas un truc de fast-food, c'était juste que c'était dans une allée qui montait à un temple un peu touristique. Bah pour moi, c'est de la fast-food dans c'est le sens. C'est de la fast-food, mais c'était si pas. Tu peux, si tu manges rapidement un truc, voilà. C'est un snack, je sais pas, mais c'est pas. C'était du McDo. Bah, on en a remangé au supermarché, pas qu'on avait acheté au supermarché quand on attendait pour, à l'hôpital, parce que du coup, bah, y avait pas grand-chose, beaucoup de choix, c'était quoi. Bon. C'était encore bon. Ouais. C'était encore très très bon. Et pourtant, c'est un truc. C'est un 8 à 8, quoi. On n'a pas dit aussi qu'on avait été en train là, de se faire tous les dessins animés des studios Ghibli. Et on aime bien. Ouais. Pour l'instant, ton préféré, La colline au Kokukyo. Ouais. Réalisé par le fils de Hayao Miyazaki. Ah, pour moi, c'est celui qui représente le plus le Japon de façon pas du coup fantastique. Enfin, c'est vraiment genre. Il n'y a pas de petits animaux, de petits dieux et tout ça. Mais du coup, ce qu'on voit des villes, l'ambiance, les gens, enfin comment ça se passe, tout, c'est vraiment. Si vous avez envie de vous rendre compte de ce que c'est que le Japon au-delà de Tokyo, enfin, on ne sait pas encore à quoi ça ressemble Tokyo, mais bon, en tout cas, le reste de ce qu'on a fait, c'est un bon film, je pense, pour voir ça. Oui, bah après, ça se passe dans les années 60 aussi. Donc, non, mais ça n'a pas tellement changé, je trouve, en termes d'architecture. C'est la petite ville portuaire. Oui, non. Je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'en revoyant là, Chihiro et. Et Princesse Mononoke, la dimension écologique du film, je m'en rappelais pas quoi, de ça. Et c'est assez chouette. Le prochain, c'est Pompoko, qu'on a vu il y a 15 ans. Revival. Oui, sur les Tanuki. D'ailleurs, donc sur cette île, il y a encore, je sais pas si on l'a dit, mais il y a encore plein de daims en liberté. Et... Si, parce qu'on a dit qu'on en avait sauvé un du... Oui, c'est vrai. Et il y a aussi des tanuki, des petits ratons laveurs. Et priori, il y en a des normaux et il y en a des blancs. Ouais. Bah, autant vous dire que c'est trop mignon. Bon, on ne les a pas vus en vrai. On a vu une photo où il y avait un blanc, un normal et un daim à côté. Dans notre guest house, en fait, c'est la photo qui est prise d'une des chambres dans le jardin. Et tu as du coup les trois qui sont alignés. Tu as l'impression que c'est un photomontage tellement c'est improbable que ces trois petits animaux qui n'ont rien à voir ensemble soient à côté. Je pense que le jour où la personne s'est levée et a pris cette photo, elle a dû croire qu'elle rêvait encore, à mon avis. C'est là où tu te dis que t'es dans un film de Miyazaki. C'est fou. Donc, ouais. Il y a énormément d'oiseaux aussi, alors on n'en parle pas trop nous, parce que ça ne nous intéresse pas non plus énormément. Enfin, on est pas... Bon, on a vu un gros rapace, je ne sais pas si c'était un faucon ou une sorte d'aigle. C'était assez impressionnant, quoi. Il passait pas trop loin. Toujours, de toute façon, des petits trucs qui couinent, là. Il y a beaucoup de... Ouais, ça piaille fort, hein. Ah ouais. Non, c'est chouette d'avoir ce côté un peu nature préservée qui, finalement, je pense qu'on voit pour l'instant les bons côtés, là, du Japon, mais il paraît qu'il y a beaucoup, après, aussi, de tout ce qui est bien bitumé, bien industrialisé, tout ça. C'est un peu le revers de la médaille, quoi. Mais heureusement qu'ils ont ce côté un peu de sanctification de la nature. On voit quand même dans beaucoup d'endroits des messages de sensibilisation à faire attention à l'eau, tu vois. Bah là encore, aux toilettes du sommet du mont, il y a des petits écriteaux avec écrit « Merci de tirer la chasse qu'une seule fois » parce que c'est de l'eau de source, en fait, de la montagne. De pas mettre n'importe quoi dans les toilettes parce que du coup, bah, ça s'est rejeté. Je sais pas comment c'est un peu géré, mais en gros, il y a un petit symbole après avec les toilettes qui sont contentes et un petit dingue qui est content, tu vois. Genre, si vous faites attention, tout le monde sera heureux, quoi. Donc, il y a quand même pas mal de... Ce qui est d'ailleurs très étonnant, c'est ces messages de sensibilisation, cette importance de la nature chez eux, et à côté de ça, ce plastique hyper enfin, omniprésent, tu vois. Oui, mais comme le plastique ne se retrouve pas dans la nature puisqu'ils les jettent dans les poubelles. Oui, et qu'après ils les brûlent et tout, enfin, ils les recyclent, je sais pas trop ce qu'ils en font. Donc quoi. Quelque part, mais ça reste, bien, ça a quand même mais... assez, tu vois, dissonance cognitive, quoi. Alors, sur le long terme, en tout cas. On a du mal à faire comprendre aux gens quand on leur demande pas de sac plastique. Après, ce qui est hyper chouette comparé à ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant en voyage, c'est que les Japonais ont tellement envie de te faire plaisir et sont tellement respectueux que du coup, si tu leur dis non, ils vont pas insister, quoi. Oui. Tu vois, c'est pas comme ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant, tu vois, même en Europe de l'Est, tu vois, en Turquie ou en Asie centrale, où les mecs ils insistent parce que. Oui. Parce que ils ont décidé que c'était comme ça et que t'avais pas le choix, tu vois. Ça nous est souvent arrivé. Et là, vraiment, quand tu leur dis non, c'est non, quoi. Enfin, donc mais... c'est. S'il faut juste se faire comprendre, mais comme c'est assez facile de dire non merci, non. Ouais, ouais, ouais. Bah, on a eu des petites réussites, je pense pas qu'on en ait trop parlé, mais à Hiroshima on avait trouvé une petite boulangerie-pâtisserie qui était très bonne, et du coup on venait avec nos petits sachets qu'on avait achetés chez Alterosac, ou des petits sacs en plastique qu'on avait gardés, donc on réutilisait, et là, ça avait du mal à comprendre. Et en fait, presque, ça les choquait. Ils avaient tellement pas l'habitude d'avoir ça. Mais parce que je pense qu'il y a aussi pour eux un côté genre... oui, mais du coup, c'est pas tout à fait propre. C'est pas tout à... Enfin, tu vois, avec ils sont très à cheval sur ce genre de truc. Il faut que tout soit bien emballé, très propre, très machin et tout. Je pense que du coup, ils sont un peu genre... ouais, mais c'est pas, tu vois, comme... De se dire, c'est des Français, ils sont sales. C'est clair. Mais on s'en sort pas si mal que ça. Hein. Ah ouais, je suis assez content. Alors, hier, un petit échec, on croyait... parce qu'il y a une spécialité à Miyajima, c'est des petits gâteaux. Et ils sont en forme de feuilles d'érable. Ouais, en forme de feuilles d'érable et avec de la pâte à haricots rouges. Ouais, alors ils en ont plein de sortes maintenant différentes. Il y a aussi avec de la crème, avec de la crème de marron. Mais je crois que l'original c'est la. Oui, bah, c'est toujours avec de la. Ce qui est très très bon quand même, la pâte d'haricots rouges. Ah, mais c'est super bon. Enfin, carré de rouge, haricots rouges sucrés. Ouais. Mais tous les stands qu'on voyait, ils étaient individuels. C'est pas très grand, hein. C'est vraiment un petit biscuit. Mais. Ils étaient tous emballés individuellement dans du sachet en plastique. Et on a trouvé un endroit où c'était dans des sachets en papier. Mais on s'est fait avoir, il y avait un revêtement plastique à l'intérieur. Ouais. Donc. Il est impossible d'en acheter en vrac. Enfin, tout était déjà pré-emballé. Même si pourtant il y avait les fours. Alors, on aurait peut-être réussi à communiquer. Il fallait leur faire les comprendre. Et que du coup, on arrive au bon moment où ils sont en train de sortir, tu vois, genre un batch de trucs là. Enfin, une fournée de trucs. Mais en fait, bref, c'était pas le moment. Mais tout à l'heure, on va peut-être aller acheter des petits gâteaux. Mochi. Ouais, des petits, une sorte de mochi là. Où j'ai vu la dame les sortir, les faire individuellement. Enfin, tu peux, je pense, négocier pour les avoir dans ta petite boîte quoi. Donc, on va essayer d'aller faire ça. Mais on a réussi aussi notre omelette à l'emporter là. Dans notre boîte, parce qu'on a toujours une boîte. J'avais trop à manger. Donc, du coup, on a emporté ça. Ça nous a fait un dîner. Et on a aussi. Dans un restaurant où, parce que beaucoup de restaurants ont des baguettes jetables. Donc c'est, alors elles sont en bois, mais ça reste que c'est quand même une quantité de bois astronomique jetée par jour, quoi. Je crois que c'est, ça a l'air d'être du bambou, je pense. Bon, enfin, c'est les mêmes qu'on a dans les restaurants asiatiques en France. Hein. Mais sauf que t'imagines déjà le marché mondial de ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais attends, on avait lu que ça se faisait pas d'emmener ses propres baguettes au resto. Après, je me dis, on va pas dans des restos chics, machin. Et puis au pire, s'ils sont foncés, enfin, je me dis, c'est une question de bon sens. Enfin, nous, on le fait pour la bonne cause. Donc, on a. Bon, tu vois, c'est pas comme si on faisait un truc, genre en disant, on en a rien à foutre des gens, juste pour notre égoïsme personnel, tu vois. Enfin, là, c'est. Bon, à mon avis, ça, dans ce type de resto, ça les embête pas. Personne le voit parce qu'en fait, on fait attention. Mmh. On tu vois. Mais on a, du coup, c'était dans un restaurant où ils utilisaient des baguettes réutilisables. Hein, et on s'est dit, bah, on va peut-être leur demander si on peut les garder. Parce que ça doit leur coûter pas grand-chose au final. Ouais. Parce que le problème des celles qui sont jetables, c'est qu'elles se nettoient pas facilement parce qu'elles sont pas. Elles sont pas vernies, elles sont pas traitées, quoi. Donc c'est vrai que c'est du bois brut. Et le gars, il nous a dit... Au début, il était un peu genre... est-ce que j'ai le droit de dire oui, quoi ? Enfin, tu sais, c'est... Ouais. Bon, on n'a pas eu le même consenti, on ne sait pas. Non, en tout cas, il nous a dit oui. Donc parce qu'on ne voyait pas les voler sans lui demander son avis. Petite baguette, maintenant. Voilà. Bah, c'est trouver un truc pour les ranger. Ouais, ou pas, je sais pas trop si c'est nécessaire, mais c'est vrai que c'est pas facile, parce que quand elles sont sales, du coup, et que tu leur mets dans ton sac, on ne sait pas trop quoi... Bon. Faut bien les lécher, c'est la chose qui ne se fait pas non plus dans les restaurants. Ouais, exactement. Bon, on essaye quand même de pas trop offusquer les gens. Et puis, tout à l'heure, on part pour Fukuoka. Oui. Et il se trouve que Sachi, qui est revenue au Japon, donc Sachi qu'on avait rencontré au Kyrgyzstan, avec qui on a fait pas mal de routes, elle était à Fukuoka et elle reste du coup un ou deux jours de plus pour. Ben je sais pour pas, en tout cas elle était dans un autre hostel et là du coup elle a booké deux nuits, je crois. Oui, pardon, elle a réservé deux nuits pour dans le même que le nôtre, donc on va pouvoir se. Ouais, et ça va être peut-être cool parce qu'on va pouvoir lui poser plein de questions sur le Japon. Puis elle va nous raconter ce qu'elle a vu parce qu'elle est allée au Pakistan, elle est allée au Népal. Donc, Chine. Ouais, ouais. Donc c'est intéressant. Yes. Ben maintenant, faut redescendre. Alors, faut redescendre, mais après, faut remonter, parce que ouais, c'est un peu bâtard. Mais c'est beau quand même, hein. Ouais, c'est très très beau. C'est vraiment l'image du Japon, avec les petites îles, là, comme ça, vertes, très rondes, la mer, enfin, tu vois, un peu de brouillard. Mm. Pas de nuages, quand on commence, il n'y a pas de brouillard, mais... On a froid, là, un peu, quand même. Ouais, allez, on bouge. Là, il y a une petite statue de divinité. J'ai l'impression que c'est... On offre beaucoup de saké à cette divinité. Mais globalement, ils offrent beaucoup de nourriture et de saké. Mmh. 8 novembre 2019. Et c'est l'anniversaire de maman. Bon anniversaire, maman. Et nous sommes allés au musée des arts asiatiques de Fukuoka. Fukuoka. J'étais pas hyper emballée à la base. Je savais pas trop ce que ça allait donner. Et tu m'as dit, mais si, on va aller voir, tout ça, en plus c'est pas cher, machin. Bon, en fait, c'était pas du tout, enfin c'était pas cher, ou cher, c'était juste que c'était plus cher que ce qui était prévu, parce que c'était les 20 ans du musée. Du coup, il y avait une exposition, enfin, pas temporaire du coup, mais temporaire quand même, et qui englobait du coup la permanente, quoi. Et c'était sur, il y avait trois grandes expositions sur... les arts de l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est et l'Asie avec l'Inde et tout. En gros, il y avait trois parties avec en effet, en gros, le Japon, la Corée, la Chine, la Mongolie et l'Inde. C'était les trois grands. Ouais, Birmanie, il y avait quand même. Mais ça, c'était pas avec. Avec l'Inde. Comme quoi, on a fait ça et puis on vous raconte. Avec l'Asie du Sud-Est. Oui, Birmanie, c'était. C'était hyper intéressant parce qu'en fait, c'est pas des arts anciens. C'est à partir du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et donc, s'il y avait un peu de tout. Enfin, moi, j'ai pas tout aimé, mais ce qui était bien, c'est que c'était déjà assez dense, mais du coup. Tu pouvais switcher si t'avais, ça te plaisait pas, mais au moins tu avais une description en anglais pour toutes les œuvres, qui était vachement bien expliquée. Donc si ça t'intéressait, enfin tu pouvais vraiment approfondir. Ouais, et puis il y avait, du coup c'était bien expliqué les différents courants de chaque pays, enfin région quoi, d'où ça venait des arts anciens et comment est-ce qu'ils avaient réintégré ça dans un art plus contemporain. Avec l'influence de la peinture occidentale. Ouais, tout à fait. Mais ce qui était bien, c'est que j'avais un peu l'impression qu'il y avait genre une œuvre ou quelques-unes sur vraiment chaque courant, chaque thème et tout ça, pour qu'on ait une vision hyper globale en fait de toutes les formes d'expression, alors plutôt sur la peinture que sur qu'autre chose. Il y avait quelques sculptures, quelques installations, quelques vidéos, mais globalement ça restait plutôt de la peinture. Oui, oui, oui. Mais je trouvais quand même que c'était très art plastique. Tu sais qu'il y avait aussi de la broderie, ce genre de truc. Donc ouais, non mais c'était vraiment très chouette. Ouais, j'ai bien aimé. Alors c'est vrai que j'avais un peu de mal à tenir sur mes jambes à la fin, mais... C'est assez long, surtout si tu veux tout lire pour pouvoir bien comprendre. Du coup c'est assez long, mais ça vaut du coup le prix que tu payes quoi. Je trouve que c'est vraiment... elle est bien faite. Et moi j'ai eu des énormes coups de cœur pour certaines œuvres que j'ai trouvé magnifiques. Alors que bon, quand je visite un musée, il y a plein de trucs que je trouve chouettes, mais c'est rare que je me dise « Ah ouais, ça, je veux le prendre en photo parce que je veux m'en souvenir tellement c'est, tu vois, ça m'a marqué, quoi. » C'est laquelle, toi, que t'as préférée ? c'est laquelle que j'ai préférée. Ah, c'est pas facile. Ah. J'ai beaucoup aimé l'installation du Pakistan, là. Qui est une espèce de petite boîte avec plein de miroirs. Enfin, de. Une grosse boîte, parce que tu rentres dedans. Oui, une grosse boîte de métal frappé, là. Avec des miroirs et des lumières et tout ça pour te donner l'ambiance d'une espèce de mariage, enfin fête traditionnelle pakistanaise. Et quand tu rentres dedans, t'es vraiment dans cette ambiance, je trouve, avec la petite musique, les petites lumières et tout ça. Je trouve ça très très bien fait. Et après, qu'est-ce que j'ai aimé ? Bah, je sais plus, du coup, je les ai prises en photo pour m'en souvenir. Non, mais c'est déjà celle-là qui était. Oui, c'est vrai qu'elle était marquante. Moi, j'ai bien aimé. Bon, toi, t'as pas trop. Plus, mais je trouve ça intéressant. C'était un travail photographique sur en fait l'appropriation culturelle des restaurants. Donc, je crois que c'est un artiste de Fukuoka. Parce qu'à la fin, il y avait toute une partie sur des artistes qui étaient en résidence à Fukuoka. Oui, donc, je sais pas si donc, c'était les artistes. Il est allé, ouais, donc il a fait ça à Fukuoka, mais je suis pas sûr qu'il soit originaire d'ici. En tout cas, c'est intéressant parce qu'il. Il allait donc dans un restaurant, on va dire, un restaurant italien par exemple, et à se dire, bon, est-ce qu'un restaurant italien dans l'imaginaire collectif, qu'est-ce que ça donnerait il y a quelques temps ? Il recréait dans le restaurant avec des costumes pour exagérer l'Italie, donc il avait... C'est la mafia italienne, quoi. La mafia italienne dans le restaurant. Enfin, c'est, voilà. Dans le parrain. C'était un peu l'idée. Ouais, c'était un peu une scène de resto du parrain, quoi. Dans un restaurant indien de Fukuoka, il avait fait habiller les serveurs en... Bollywood. En Bollywood, voilà. Donc c'était intéressant parce que c'était pas tant une sorte de critique, mais... juste pour se rendre compte un petit peu de comment le monde a évolué et qu'aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est de se dire, tu peux manger des pizzas n'importe où dans le monde, en fait, où que tu sois. Enfin, on l'a vu, d'ailleurs, hein, des restos italiens, je pense que c'est le truc que tu trouves le plus souvent, où que tu sois. Enfin, dans tous les pays qu'on a visités, il y avait toujours des restaurants italiens assez facilement trouvables. Même indien, au final, hein, aussi. Et indien aussi, ouais. Ouais. Alors, encore plus maintenant qu'on se rapproche, j'ai l'impression, de l'Inde. Enfin, quand on était... Parce qu'en Turquie, il y en avait moins, quoi, par exemple. Ouais, mais on s'en est fait un d'indien. C'était en Asie centrale, à Bishkek. Non, je sais plus. Oui, on a pu s'en faire un. Almaty, peut-être. Je sais plus. Bon, bref. Ouais. Mais voilà, bah, c'était... Je trouve ça... Après, il y avait vraiment des peintures ou des trucs assez originaux qui te marquaient bien, enfin, tu vois, soit avec des couleurs hyper intéressantes. Et en plus, comme c'était bien décrit en anglais et qu'on comprenait la démarche artistique de l'artiste, parce que moi, c'est toujours pareil, quoi. C'est soit tu visites un musée en ne lisant rien, enfin, juste en te disant est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, enfin, tu vois, c'est un peu ça. Soit tu as le temps, c'est bien expliqué et du coup, c'est intéressant, même si tu trouves pas ça visuellement toujours à ton goût, enfin, même si tu mettrais pas ça dans ton salon. C'est toujours intéressant de parfois savoir d'où ça vient, enfin, pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là, l'artiste. Oui, et franchement, je pense que c'est la première fois que je vois un musée comme ça. Parce que, même pour un musée d'art contemporain... Non, pour le musée Van Gogh à Amsterdam, je me souviens que j'avais passé énormément de temps à lire tous les descriptifs. Et c'était il y a très longtemps. Non, mais tu vois, c'était depuis, très intéressant. Je n'aimais pas Van Gogh, tu vois, par exemple. Ouais. Donc, justement, parce que comme je n'aimais pas Van Gogh, je me suis dit, bon, ça ne me fait rien de regarder l'œuvre, donc je vais essayer de comprendre... Du coup, le truc, et le musée était bien fait pour ça. Oui, c'est vrai. Mais depuis, je ne pense pas avoir vu un musée aussi bien fait pour ces explications. Quand tu as un coup de cœur pour une œuvre, au moins tu peux approfondir directement, quoi. Sans avoir à devoir prendre en photo, aller chercher après chez toi, et tu as déjà oublié que tu avais pris ça en photo. Fin... Oui, et puis tu n'es pas dans le truc du moment, donc c'est un peu différent, quoi. Donc, bon, c'était très chouette. Très bonne. Voilà. Sinon, on nous a recommandé un restaurant. Ouais, on est allé manger. De Yakitori. On a demandé à la guest house où on était, un restaurant qui peut être un peu végétarien friendly, voilà. Alors, il n'avait pas très très bien compris le concept, ou il ne savait pas très très bien peut-être. Donc, quand on est arrivé, l'ambiance était très sympa. J'ai l'impression que c'était le gérant du resto qui servait aussi. Parce qu'il disait genre, c'est mon restaurant, tout ça. Il parlait anglais, donc c'était plutôt pratique parce que sinon il n'y avait pas le menu en anglais. Mais alors, en revanche, pour le végétarien, tu repasseras, quoi. Oui. Puis alors, autant il y a des trucs, bon, même si on a une philosophie végétarienne et qu'on aimerait bien l'être à 100% et comme parfois on n'y arrive pas, on arrive quand même à manger les trucs parce que c'est bon. Oui. Mais là, il y avait quand même certains trucs, c'était un peu too much, même si avant que je sois végétarienne, j'aurais pas mangé ça, quoi. Alors, avant de. On a réussi à négocier de manger que du poulet plutôt que du. Pas de bœuf, pas de porc. Pas de bœuf, pas de porc. Mais ça, c'est plus pour des raisons environnementales que pour des raisons. Même au niveau du goût, hein. Oui, moi, c'est je, vrai. Je suis pas. Je suis plus très fan, moi, du bœuf et du porc. Mais... On n'a pas goûté le bœuf de Kobe, alors que bon, je pense quand même qu'il va falloir qu'on goûte ça. On verra. Si on a l'occasion. Ça me dérange pas de pas goûter, quoi, si tu veux. Après. Et donc, bah oui, c'était. C'était très, très poulet, quoi. Enfin, il n'y avait que ça, au final. Et il nous a proposé une salade au fromage et au final il y avait du bacon dedans. Enfin, ouais. Voilà, le petit truc qu'il nous a apporté au départ, là, le tofu au sésame avec les espèces de. Comment on appelle ça de, bah, les graines germées de soja. Ouais, ça c'était délicieux, très vraiment. Bon. La salade était très bonne, même s'il y avait des petits morceaux de bacon, mais c'était très bon avec un œuf, de la salade, une bonne sauce, un peu de fromage, ça c'était vraiment très très bon. La première brochette de poulet, moi je l'ai trouvée très bonne. Même si c'est vrai que le poulet n'était pas très très cuit, donc je sais pas si ça se mange comme ça trop ici, mais... Nous, on mange rarement du poulet où tu vois encore la couleur comme quand il n'est pas cuit, quoi. Après, il était assez fondant. Enfin, moi, je trouvais ça restait très bon, quoi. Et... Mais alors, moi, non, mais moi, le reste... Il y avait une brochette de peau de poulet. Donc, autant la peau de poulet, ça peut être... Enfin, même si, tu vois, j'ai encore en tête le goût du poulet rôti, la peau quand elle est bien rôtie et tout. Oui, c'est hyper bon, en effet, même si maintenant j'en mange pas. Mais là, elle était pas assez cuite, quoi. Donc elle était un peu épaisse et pas assez cuite, donc c'était un peu caoutchouteux. Là, vraiment, c'était pas possible pour moi. Et puis, il y avait un morceau, alors, ça, qui était un peu coriace. Je sais pas si c'était la croupe ou quelque chose comme ça. On ne sait pas ce que c'était et on préfère peut-être pas savoir ce que c'était. Je pense que c'était pas les intestins... un abat. Non, je pense pas. C'était musculaire quand même. J'ai eu peur que ce soit des abats au début. Ouais. Parce que vraiment. T'as mangé beaucoup de mes brochettes, quoi. Oui, bah ça va, j'ai eu ma dose de viande pour un petit moment là. Ça va bien. Ouais, essayer de faire mieux. Voilà, bon. Voilà. Bah, le truc, c'est qu'il n'y a pas tant de restaurants avec des options végétariennes. Enfin, autant à Kyoto, c'est très facile, je trouvais. Oui, oui, oui. Autant là, on sent que c'est moins touristique et tout, et qu'on a un peu plus de mal quand même. Hein. Les menus sont en japonais, il n'y a pas de menu en anglais. Le midi, on était allé manger dans un... Soba Non, ramen. Ramen. Ah oui, c'est la spécialité, c'est ramen. Bon, bah, on lui a demandé végétarien, il nous a dit non, clairement, on ne sera pas végétarien. Hein, donc, je pense que c'était plus le bouillon d'ailleurs, parce qu'au final, il n'y avait pas tant de viande à l'intérieur, mais le bouillon était clairement à base de viande, quoi. Et puis, on est allé manger aussi la veille... Donc le 7 au soir avec Sachi, on est allé dîner les spécialités de ramen de Fukuoka. Mais c'était encore, c'était forcément avec de la viande. Donc voilà, bon là on a une bonne dose de viande pendant deux jours. Ouais, j'espère qu'on va réussir à faire un peu mieux. Bon, alors je pense qu'à Nagasaki, ça va. C'est plus grand. Il y a plus. C'est comme à Hiroshima, je pense que ça va être plus facile. Après, je me dis, enfin tu vois, on fait nous des efforts pour. Pour éviter ça. Maintenant, il y a le moment, tu es obligé de manger, ce qu'on disait. Donc, tant pis, tu vois, c'est pas... Oui, non, mais bon, au moins que j'y prenne du plaisir. Ah, bah, gustatif, ça, tu vois. Oui, c'est ça, donc, quand j'en mange et qu'en plus, je prends pas de plaisir gustatif, bon, bah, du coup, ça me... J'ai un peu... Voilà. Je peux dégoûter, quoi. Et encore, tu vois, on est au Japon, quoi. Ah oui, non, mais on n'est pas en Chine, on n'est pas en train de manger des bébés canards... Des embryons de bébé canard, on est bien d'accord. Mais ça, c'est même pas en rêve.